putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas, tu le crois ça. Ce jour-là, je me suis dit, il aurait mieux fallu rester chez moi. Ce jour-là, je me suis dit qu'il aurait mieux fallu rester chez moi. Fallu. C'est quoi? C'est un mot? C'est pas assez compliqué peut-être? Fallu, première forme conditionnelle passée. Mais aussi, bien sûr, diminutif de phallus. Il y pensait. Alors? Et alors? Alors? Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Quel jour? Quel mois? Quel siècle? Chaque seconde cherche le chemin sans départ depuis la nuit des temps. L'intérêt dans tout ça, c'est d'essayer, Madame Tremblay, d'essayer de retracer, de chercher, de parcourir. C'est quoi le terme? Madame, quel est le terme en... Allez, soufflez-moi à l'oreille. Ça, c'est un rire désespéré. Sauf que c'est pas fin de siècle. J'ai perdu la mouche au bout de la canne. On va pas attraper de poisson avec ça, là. Attendez un petit peu. Fureur de vivre, temps ni lieu. Jean, quel jour? Oui. La nuit des temps. Oui, la nuit des temps, merci. On cherche ça. La nuit des temps, c'est à quelle année la nuit des temps? Puis le temps, ça commence quand? Puis pourquoi la nuit? Pourquoi pas le jour des temps? Est-ce que tu sais cette petite phrase anodine, la nuit des temps, qui a l'air de rien, là? Un peu comme une dame à talons hauts qui marche sur la 3e avenue à Limoilou, avec un rouge à lèvres. Rouge, elle au moins, elle connaît le principe. Elle ne s'est pas acheté un rouge à lèvres bleu, elle a dit un rouge à lèvres, c'est rouge, le rouge à lèvres. Depuis la nuit des temps, le rouge à lèvres est rouge. C'est pas guimauve, couleur guimauve. C'est pas blanc, la couleur guimauve, non, c'est poudreux sur fond mou. Quoique la dame au rouge à lèvres rouge peut se placer de la poudreuse sur fond mou. C'est elle qui décide, c'est son corps. Faut l'accepter. Faut le respecter. C'est un mot qu'on a oublié, ça, depuis bien des années, le mot respect. Dans les entreprises, dans la famille, entre amis, cherchons-nous le respect? Faisons-nous, donnons-nous, offrons-nous le respect? Et donnons-nous le respect? Est-ce que je peux donner... j'ai essayé de l'emballer hein, pour la fête de ma neveuse. De ma prêteuse. Bon, ben, c'est pas son moindre défaut, là, mais j'ai dit comment je peux emballer ça. Il y a du papier d'aluminium, puis est-ce que ça peut aller au four? Oui, je sais que le papier d'aluminium peut aller au four, mais est-ce que je vais mettre dedans? Depuis la nuit des temps, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On met pas ça. Ben non, le four est quand même assez contemporain, pour ne pas dire récent. Est-ce que le récent est contemporain? Bon, j'ai un mal de tête ce soir. C'est pas parce que j'ai trop pris de papier d'aluminium. C'est parce que je crois que je me pose des questions existentielles, des questions même pas existentielles, parce que c'est vraiment des réflexions de base. Pas de vase, de base. Mais ma base commence à glisser comme de la vase. Effectivement, Clémence, t'as raison. Je l'ai entendu crier dans le fond du corridor. Si on peut... oui? pouvons-nous? Insignifiante. Ah, non, c'est respect. Non, je te respecte, mais voyons donc. J'amène des mots, j'amène des propos, puis j'amène une certaine autonomie du discours, puis je bafouille avec ça. Je glisse comme la pelure de banane. Pas bon de glisser la pelure de banane. Au prix que la banane, tu la manges, puis tu manges la peau avec. Hein? Fait que le respect, c'est vrai que c'est important. Mais personne ne se respecte. On regarde passer, plusieurs regardent passer des gens, des citoyens. Ils se moquent des citoyens. Et moi là, le marché, il marche. Pas de voiture, pouilleux. Trouve-toi un emploi, puis achète-toi une voiture. Pas lu comme nous autres, pas lu. Achète-toi un quatre pattes. J'ai jamais vu des voitures à quatre pattes, moi là, mais dans le milieu de, tu sais. Nous autres, là, on rit pas avec ça, là. On entretient notre carrosserie, là. Puis on frotte notre quatre pattes, hein, monsieur. Des gros, des belles, des quatre pattes. Puis là, il y a des gens qui sont un peu plus fanfarons, qui ont mis des bonnes nylons à leurs quatre pattes. Marine, ça déchire, c'est rond. C'est pas... Les pattes, là, c'est des roues, des créateurs, hein, des poètes, des philosophes, là, des gens qui ont le nez dans les livres, pas dans l'huile, pas dans l'essence. L'essence même de la vie, c'est pas la philosophie. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça si ta voiture, si ton chat... C'est pas, moi, j'ai pas une voiture, excusez-moi. Je m'exprime beaucoup trop, hein, beaucoup trop bien. Hein, beaucoup trop bien, ça dit pas. Mon chat, j'ai un char. Moi, j'ai pas une voiture, j'ai un char. Ça vient de corps. Comme on est noyé par l'univers anglo-saxon. On est souvent dans la terre mouleuse. Moulée. Voulez-vous que je vous le raconte, ma voix? Ben, c'est ça que je suis en train de faire, là. Pensez-vous que je tricote? Oui, je tricote un tissu de vérité. Quoique, il faudrait jamais essayer de tricoter avec des tissus. Moi, c'est de la laine. Ma petite chanson de la laine des moutons. Ouais, moi, je me suis tout le monde, hein. Voulez-vous-tu? Je suis pas un universitaire anglophone. Moi, j'étais un citoyen francophone, éducation moyenne, grandeur moyenne, cheveux moyens, gros nez, petite bedaine, heureux de vivre, buvant sa bière, attendant la mort. Nathan. Comme disait Woody Bedin, le chanteur en pudding. C'est long vers la fin, hein, monsieur. Surtout quand t'es le moment où on appelle ça l'agonie, là. C'est pas une ville, l'agonie. C'est pas un pays, l'agonie. Et moi, là, je suis parti à un moment donné. Je suis parti en voyage dans un bateau. Mais je me suis fait un bateau avec mes pitounes. La pitoune amène la pitoune. Ça, c'est une réflexion totalement personnelle. Et puis, une fois que j'ai fait mon genre de ça vogue, ça va sur l'eau, là. Et puis, ça peut aussi servir de sous-marin. Pas pour manger, là, mais pour glisser sur l'eau. Parce qu'au Québec, si vous ne saviez pas, vous arrivez quoi, au mois de mai. Là, quoi? Un beau matin du mois de mai, avec à la main. On n'est pas au mois de mai. Mois de mai, mois de vilain. C'est mois d'avril, mais le 29. On arrive au mois de mai, là. La chanson. Je suis arrivé un beau matin du mois de mai, avec à la main des bing-bing-bang-mer-mer-mer-mer-mer-mer. Et on l'a fait, celle-là, OK? OK. Je suis arrivé un beau matin du mois de mai, avec à la main des beignets que ma mère m'avait fait. C'est pas facile, des beignets que ma mère m'avait fait, OK. Je suis arrivé un beau matin du mois de mai, avec à la main des beignets que ma mère m'avait fait. Ils m'ont demandé mon nom, mon métier, et quand j'ai dit artiste de variété, à ce moment-là, juste derrière moi. Mais voyons. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu rire. Un rire que je ne connaissais pas. Le rire du sergent, la folle du président, la préférée du capitaine des dragons. Pom, pom, pom. Le rire du sergent, un matin de printemps m'a fait comprendre comment gagner du galon. Wow, wow, wow. C'est là que je me... Oui. Pour vos oreilles, ça risque de saigner. Fait que mettez-vous du papier d'aluminium. On va faire du boudin avec ça, OK? Sans balayer la foudre, en chantant simplement quelques chansons d'amour. Version arabe. Oui, oui. Mon métier, je me suis pris. Quand j'ai dit de moi artiste variété, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu rire que je ne connaissais pas. Allez-y. Le rire de ce genre, la foi du président, la gloire, les gouris, les gargons. Le rire de ce genre, le matin ne prête pas ma preuve, comme un commandé qui est bien long, sans balayer la foi. Merci. Alors, c'est important. Et là, il y a encore de la résonance. C'est comme un lendemain de vieilles chansons paillardes, hein? On tire la ridaine, on veut la boulie. On tire la ridaine, on veut la boulie. La boulie, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Mais c'est pas... ça sera pas une chanson païenne. Et une Payade. Et Serge Payade, le grand chanteur Serge Payade. Je me souviens plus de quel titre il chantait, ce grand travail à la chaîne. Et puis, dans la nuit des temps, Gaétan, tu connais ça, toi, la nuit des temps? Ça finit par « Hein? Hein? Hein? Gaétan? La nuit des temps? » Mais c'est fou! On nous martèle de phrases, d'idées, sans donner de signification. Heureusement que vous écoutez Rance Rénaldienne à CKRL, le Galon Envoyé à Québec. Oui, monsieur, c'est le Galon Envoyé à Québec. Pas Montréal, le Galon Envoyé à Québec. Pas Népal à Québec. Pas Orly à Québec. Pas Amsterdam à Québec. C'est quand même merveilleux. Même, pour être précis, au coin de la 3, là, et de la 4, la 3... Et de la 4. 405. Bingo, tu ne fais pas vos cartes. Là, je sais, dans mon oreillette, on vient de me souffler. Est-ce que c'est KRL? Et là, depuis la nuit des temps? Non. Non, on va dire la vérité, non. Mais on l'espérait depuis la nuit des temps. C'est important d'espérer. Dans la vie, il faut être rêveur sans trop rêvasser. Là. Il faut aussi fonctionner dans la réalité. La réalité. Ah, moi, j'aime pas ça le thé, moi. Le café, oui, mais ça va pas très bien avec moi parce que je suis extrêmement stressé. Moi, là, tu fais... Je peux tomber sans connaissance, perdre la mémoire, ne plus vous reconnaître. Puis me mettre à bécoter tout ce qu'il me dit. Ça va? Puis écoutez, si on va en cause, ça m'est arrivé six fois. C'est la légitime démence. Et puis ça fonctionne très bien. Et depuis ce temps-là, je m'amuse comme un foulou. oui, j'ai un voyant d'or. J'ai entendu une voix, je voyais flou, j'ai embrassé partout. Je pensais que c'était des anges. Mais non, c'était une infirmière qui passait par l'as. J'étais allongé depuis trois secondes. Non, en fait, c'est parce que je l'avais vu. J'ai dit, je fais pas semblant comme un ours de faire la mort. Elle ne viendra pas vers moi. Parce que moi, je suis comme Jean-Pierre. Là. Pas plus intéressant que Félix puis de Claude. Quoique Raymond, lui, il a le tour. Là. Avez-vous l'air? Madame, que c'est triste le trottoir, Jean-Boulard. Madame, madame, madame, avez-vous la... Madame, madame, madame, si vous passez, vous pouvez me répondre. Madame. Parce que c'est trop classique, ça, demander l'heure à quelqu'un. C'est comme pendant les soirées. Hey, c'est quoi ton signe astrologique? Il y a de la musique, on est comme qu'au circuit. On a les oreilles déjà qui bourdonnent, le cerveau qui frissonne. On ne se souvient même pas de notre signe astro. Moi, je suis cellophane ascendant que papier carton. Papier carton rigide, moi, là, pas souple, parce que la split, quand c'est rigide, ça se penche pas facilement. Ça se maintient. Dans la vie, si tu ne te maintiens pas, on va te maintenir, fais-toi-en pas. On va t'attacher. On va dire « Ouais! » Comme les militaires. « Ouais, là, lève-toi, le pouilleux, lève-toi! » Fais-toi raser les cheveux. On aura le bol de ça. Faut que tu ressembles à un militaire. Coupe-moi ça. Coupe les oreilles aussi. Un bout de nez. Les dents. Casse-moi les dents. On va mettre des beaux dentiers là-dessus, là. Voyons. Tu vas servir ton pays. Puis ton pays, on sait pas ce que c'est encore. Mais tu vas le servir, en s'il vous plaît. On va t'amener par le bout du budget. On va te donner 17 000 piastres. Non, c'est 19. 19 000 piastres. Pour être un fanfaron. Après ça, tu vas t'élever. De fanfaron à farfadet. Farfadet à clown Larry. Claude Larry, Claude... Hein? Bon, tu vas monter dans la clownerie. Tu risques de devenir adjudant général des femmes du président. La rire du sergent, la femme du président, la préférée du capitaine des gars. C'est comme ça, là, le militaire. On va te faire ramasser le savon, toi. Ouais. Tu vas apprendre, c'est quoi, rentrer dans la vie militaire. On va te faire rentrer dans la vie militaire. Et en plus de ça, t'as aucun commentaire à dire. Tu peux pas parler en dehors. Des agressions, il y en a pas ici. On est ensemble, on est soudés pour la vie, pour la mort. Tes quatre pattes, les quatre pattes, tu vas y connaître les quatre pattes. On va si t'es pas bon pour tuer, tu vas être bon pour laver, torcher les toilettes. On va t'apprendre ce que ça veut dire, le mot « torcher ». Ça va te faire saigner les oreilles. Ça fait rire les oiseaux, faire les saigner les oreilles. Tu vas voir, quand tu verras pas, tu vas souffrir. T'as pas réussi tes études, t'as voulu venir, venir chez nous. On s'occupe de ta vie. On va te diriger, tu sais pas où tu t'en vas, on va te dire, nous autres. Tout droite à droite. De droite. Si tu sais pas prononcer, on va t'apprendre à frapper. Si t'as pas des mots, on va t'apprendre à tirer. C'est à l'intérieur que tu blasphèmes, c'est à l'extérieur que tu frappes. Pas compliqué, cela, là. Moi, je veux même pas te gonder un. J'ai arrêté les études en maternelle, ils m'ont fait doubler mon bricolage. Je bricolais plus à la fin, je faisais des bombes. Des bombes homogènes. Que moi, j'étais un gars très gêné. Je me rentrais dans mon crayon. À un moment donné, j'ai dit, oh, c'est fait comme ça. Puis si je mets. Hein, si je prends le ressort, puis je mets une allumette, piou, ça fait de la boucane. On met le feu à la maternelle. J'avais 4 ans et demi. T'es précoce. Monsieur. La précocité, à un moment donné, peut devenir une vulgarité. On n'a pas... Mais c'est vrai, quand t'es militaire, dans la vie citoyenne, t'as le choix. Quand t'es militaire, t'as pas le choix. C'est un peu comme dans des groupes obscurs. Faut que t'agisses. Agis Simard. Qu'est-ce qui arrive avec Agis Simard? Rainé, l'as-tu sorti de sa vie? Wouch, wouch! Ils avaient fait un film Pousse mes pouces égales. C'était merveilleux. Ah, avec Lefebvre. Lefebvre puis trois faits voleurs. Non, c'est Lefebvre. Comment il s'appelle par Jacques Lefebvre? Là, je me suis égratigné la voix. Je ne sais même plus si je vais poursuivre mon excellente émission Errance canadienne. Puis j'ai même pas de Purple Man. Bien, vous avez raison, Madame Tremblay. Lorsqu'on fait, je devrais avoir un petit un bocal avec des grains d'anis. Des grains d'anis. Anis. Pas anis Morissette, non, c'est Alanis. Alanis. Alanis Morissette chante comme une brebis, comme une brebis d'Alice Robi. Donne à ses baisers un goût à l'anis Morissette quand elle chante. Se fait tourner les cheveux. Bien, ouais, ça fait pas is. Se fait tourner les cheveux lisses. Comme Alice Robis. Ouais. Ça, c'est pour tous. On a la version pour 18 ans et plus. Alan. Non, non, je la ferai pas. Non, je pourrais composer, là, parce que c'est l'improvisation, madame. Voulez-vous que je la fasse pour 18 ans et plus? Écrivez-moi à renalquebec@commercialhotmail.com, renalquebec@commercialhotmail.com. Et si je reçois des centaines de courriels, je ferai la version 18 ans et plus de Alanis Morissette. Si vous me suivez depuis le début de mes errances, il n'y en a jamais eu de chanson d'Alanis Morissette. Parce qu'à un moment donné, nous, on aime bien glisser sur les mots, on ne peut pas dire un moment. On enlève le côté robotique de la langue française dans la langue parlée. Il faut être compris, puis il faut être fluide, puis il faut que ça coule de source. Puis surtout, un peu comme une chanson, on doit amener le rythme. Comment ça va? Le rythme, quelque chose. Puis c'est pour ça qu'on enlève, nous, certaines voyelles. Voyelles? Voyelles? Qu'on la sonne? Consonne? Consonne? Voyelles? Consonne? Hein? Oh, consonne! On sonne, comme sonne. Que quelqu'un sonne, comme sonne. À un moment donné, il y avait quelqu'un à CKRL qui m'avait appelé. Tu sais, quelqu'un qui dirigeait un moment très rapide. Puis il dit, il faut que tu punches. Trouve des punches. Ton émission, c'est pas ça. Il n'y a pas rien. Mais c'est ça, c'est l'errance. Sais-tu où tu vas quand tu erres, toi? Voilà. Consonne. Ding-dong. Pardon, madame. Oh, dernière fois. Consonne. Ding-dong. C'est l'émission du siècle. J'ai gagné des Césars, des Oscars. J'ai revu vont parler de moi. Les journaux. Et l'émission la plus actuelle. Consonne! Mourir de rire, ça se peut-tu, madame? Pardon? Mais... Mais. OK. Oui, je continue. Merci. Monsieur le président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante Errance rénaldienne. Est-ce que je peux prendre une consonne? Bienvenue. C'est fou. Oh, moi, j'ai mis ma couche. Je pense que je suis capable. Ma couche, c'est 3 livres de souffrance. Oh. ça vous virait en coyote, ça, je suis certain, il n'y a plus rien à sortir de là. Parce que je fais pipi 15 minutes avant, pipi 3 minutes avant, puis pipi 15 secondes avant, puis pipi pendant que j'ouvre le micro. Consonne! Et bienvenue à la deuxième réalité, à l'histoire filmée improvisée avec moi, ça va bien. Ils sont pas bons bien. Oh. Aujourd'hui. J'ai des petites chaleurs au niveau de la poumonne. Elle s'appelait la poumonne. Non. C'est pas la poumonne, excusez-moi. Elle s'appoulait. Elle s'appoulait. Elle s'appoulait. S'appoulait plaire à quelqu'un. Si l'amour viendrait dans son cœur. Mais pour l'atteindre. C'est bon, c'est excellent. Le nouveau hit de l'été. Oh! Ça sent le record. Guenon. Ça choque de Guenon. C'est une blague. Mauvaise blague. Très mauvaise blague. Je t'aime bien ça. Je te suis pas dans les séries Bélibilé. On m'élimine. Mais moi-même, je le fais par autodérision. Voilà. J'ai pas de permis, mais je fais de l'autodérision. Pas besoin de permis. Ouais, pas. Conduire un véhicule. Mais de l'autodérision, c'est pas une voiture, ça là. L'auto, c'est automatique. Dérision, c'est rire automatiquement de. Hein? Autodérision. C'est comme dans l'avion, là. Le pilote automatique. L'autodérision, c'est un pilote automatique. Bon. Moi, je suis là pour. Voilà. Pour faire. Les concepts complexes, c'est moi qui. Je dédramatise la. Voilà. Pour tout le monde. Les selon moi, là, puis. 1,45 devrait être compris de tous. C'est pas juste après les vaches, ça, là. C'est un calcul. Ben voilà. Là, je dois... Vous avez raison. Parce que là, dans la papillote, vous parlez, mais les gens n'entendent pas sur le poste, là. Les gens sont sur le poste comme les taxis sont sur un poste. Ils peuvent attendre 2 heures. Je fais 2h15. Puis hop, on me dit, c'est 4e avenue, CKRL, on va aller là. Hey, mon Dieu, en plus, à cette heure-là, les gens n'ont pas de maudit. C'est la CKRL, les animateurs, ils vont payer en bouteille vide. Les bouteilles de bière, ils n'ont pas vidé toute leur... Tu sais, il y a de la mouche noire. Ah, mais on va aller voir. Puis si ça me plaît pas, je m'en vais. Il a l'air déjà louche. Oh, bon, il est étrange. Il se cache les canailles. Les yeux sont... Oh, mon, j'accepte ça. Ça fait 2h15 que j'attends. Ah, ben, elle vient que pour eux. Hein. Si on fait le métier de taxi, chauffeur de taxi, il faut bien admettre tout ça. Bon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Vous êtes où je suis? Bon. Vous voulez aller? Au 305 3e avenue. 305 3e avenue. Ouest, S? Le CS, parce que Ouest, ça serait 3000 quelque chose. Oh, vous connaissez votre... Je connais. Bon. Je connais ma ville du Québec. Oui, mais vous savez que c'est un voyage, ça, là c'est un voyage de 3,95 $ à peu près. Oui. Mais là, moi, ça fait 2h15 que j'attends pour un voyage de 3... Oui. Mais ça n'a pas de bon... Oui. Mais monsieur... Hey, si tu veux pas faire ce travail-là, là, va trouver un autre... hein, bon. Écoutez, j'ai 6 consoles, 3 haut-parleurs, 18 micros, 175 microsillons de Pink Floyd. Oh! Est-ce que vous voulez me payer en Pink Floyd? Oh, pas du tout. Moi, là, c'est des Pink... En plus, c'est Pink Floyd The Collection. Oh! Comme Laurent vous le dit. Voilà, on vous dit. Rock'n'Roll Collection. Collection. C'est un chanteur. Y a-tu déjà chanté avec Pink Floyd? Non, pas vraiment. On m'a demandé de l'oublier. Le chemin du temps avait laissé de lécher. Ça, c'est du... Laurent, vous le dites. Ah oui, vous le dites, lâche pas la patate, mon ami numéro 2. Vendredi, le 29 avril 2016, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes et je vais vous présenter, pour ne pas trop empiéter sur notre rencontre, avec mon ami Matt Murdock. Mais, si le nom de Patrick Giordano, excusez-moi, si le nom de Patrick Giordano ne vous dit rien, alors c'est que vous le connaissez sous le pseudonyme de Matt Murdock ou encore Matt le Fou. Moi, je ne l'ai jamais vu fou, je ne l'ai jamais vu Murdock. Je l'ai vu comme un gars très, très intéressant, bien qu'il ait également écrit dans des magazines comme Amstrad 100%. Matt est surtout célèbre pour avoir fait partie de la troupe à l'origine de Player One, le premier magazine français dédié exclusivement aux consoles de jeux vidéo. Mais Matt, j'allais dire Matt Murdock. Oui, Matt Murdock. C'est aussi l'émission de télévision Télévisateur 2 ou encore la fameuse reprise de musique de jeux vidéo avec son groupe Matt Murdock. Et puis, il fait encore partie d'un groupe. Mais là, je m'arrête parce que lui va vous raconter beaucoup mieux que moi sa trajectoire artistique. À toi, Matt Murdock. I wanna hypnotize you, baby, on the telephone. So many times I call your house just to hear the tone. And if I knew that you were home, I didn't mind so much 'cause I'm so alone. I wanna hypnotize you, baby. You're the king. Dans le jeu vidéo beaucoup. Même. Ouais. Ouais, jeu vidéo beaucoup. Même. C'est ça. Tu es aussi producteur, tu travailles sur, avec une maison de disques, pour une maison de disques. C'est ma maison de disques, avec Manu, c'est notre maison de disques. Et tu es musicien. Je suis musicien, je suis chanteur. Chante, exactement, exactement. Et j'aimerais savoir comment ça a commencé. J'écris des scénarios de BD, enfin je fais plein de trucs. Et comment ça a commencé tout ça? Tu veux tourner ou? Ah, c'est déjà tourné. Ah, ben ça tourne déjà. Ah, oui. Avant de quitter, là, à l'endroit où je m'en vais, de point A au point B, je prépare mes trucs. D'accord. Fait que lorsque j'arrive, c'est déjà en fonction. D'accord. Je perds pas une goutte. C'est comme le bon vin, faut pas en perdre une goutte. T'as raison. Ben moi, je sais pas comment j'ai commencé. J'ai commencé à Nice. Tu connais Nice? Ben oui, la Côte d'Azur. La Côte d'Azur. Je suis allé en 89. Voilà, ben moi je suis niçois. Et donc j'ai commencé à Nice de la musique, à écrire dans les journaux à Nice. Et à faire de la radio aussi. Et tu écrivais quoi, des critiques musicales? Voilà, critiques dans la musique, la bande dessinée beaucoup. Ok. Ouais, en plus ton surnom vient d'une BD. Ouais, de Daredevil. Daredevil. C'est ton véritable nom? Patrick Giordano, okay. Ouais, j'utilise aussi. Hein. Ok. Et c'est dans le jeu vidéo. Pas à cause de ta gueule qui ressemble étrangement à la bonne. Non, mais j'écrivais dans un magazine qui s'appelle Player One. Ok. Qui a été le premier magazine en Europe consacré aux consoles de jeux vidéo entièrement. Et qui existe encore? Non, s'est arrêté à la fin du siècle dernier. Oh, okay. Mais qui était un truc qui a énormément marqué et qui a eu beaucoup de succès pendant 10 ans, une dizaine d'années. Et on avait tous des pseudonymes. Enfin, moi j'écrivais avant dans les autres journaux, pour avant Player One. Voilà, c'était tout le monde avait des pseudos dans le jeu vidéo. Et... Est-ce que c'est les autres qui offraient le pseudo à l'autre ou c'est toi qui choisissais? Ah non, c'est moi qui l'ai choisi. Ok, pourquoi? Il est choisi parce qu'il y a un bouquin, c'est les super-héros Marvel, hein, tu connais un peu. Oui. Ben maintenant c'est connu parce qu'il y a Netflix qui a lancé la série. Mais il y a un épisode particulièrement qui s'appelle Born Again, Renaissance, signé Frank Miller et Mazzucchelli. Et qui est absolument merveilleux, c'est d'ailleurs ce qui a inspiré la série un peu. Okay. C'est Daredevil qui se retrouve clochard, après il va à l'église, il retrouve la bonne sœur, enfin bon, c'est un peu mystique. Ça a changé, bon c'était un des premiers comic books plus adultes, il sortait un peu des schémas poum poum. Voilà, il est un peu mystique, un peu avec, il y avait la drogue aussi. La copine de Daredevil était dans l'héroïne, bon. Enfin voilà, il y avait des thèmes un peu plus adultes et c'était assez noir. Et voilà, c'était avant le... Je crois même que c'était avant que le Batman soit... Voilà, le Dark Knight soit fait en bande dessinée par Frank Miller. Donc c'est vraiment dans les premiers comic books dont c'était assez marquant. Et donc j'avais fait Matt Murdock. Et je pensais pas garder ce surnom, je pensais que c'était juste pour la presse. Et quand j'ai commencé à faire de la télé, les animateurs disaient bah, Matt Murdock, Matt Murdock, et puis c'est resté. Okay. Tout le monde m'appelait Matt. Et voilà, aujourd'hui, c'est moitié-moitié. Bah, dans la musique, on m'appelle encore Patrick, puisque avant je faisais de la musique et les gens m'appelaient Patrick. Et les Niçois. Mais dans le jeu vidéo, tout le monde m'appelle Matt. Okay. Dans la BD, on m'appelle aussi Patrick. Et donc c'est un peu schizophrène, mais je m'en sors. Je m'en sors comme ça. Non, mais tu as plusieurs tentacules en ta personne. Voilà, plusieurs mondes. Tu vois, à Nice, je faisais de la radio. Une radio libre ? Radio libre, ouais. Qui s'appelait ? Radio Baie des Anges. Alors, c'est assez rigolo, parce que c'était la radio de Jacques Médecin. Ok, oui, sympa. Le maire, qui était plutôt... je crois qu'il a fini en Amérique du Sud ou à Los Angeles. Ok, ouais, c'était mal barré un peu. Ouais, c'était un peu un margoulin. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, moi... Voilà, dès petit, j'ai voulu faire de la radio, j'ai fait le tour en me disant au début, bon ben, j'avais des copains qui étaient plutôt chez les communistes avec les musiciens, donc j'avais fait les radios communistes et tout, et puis ils me jetaient, ouais, le punk rock, tout ça, c'est pourri, machin. Surtout pour des communistes. Et bah oui, pourtant, moi, je pensais que c'était eux qui allaient me filer des trucs, j'ai fait un peu le tour, France 3 aussi, mais France 3, Nice, où il y avait d'ailleurs Bruno Carrette, je sais pas si tu connais Les Nuls. Oui. Qui nous interviewait, ou tous les groupes niçois d'ailleurs à l'époque. Et bon, à France 3, il fallait vraiment montrer patte blanche. Donc j'arrivais pas à trouver de radio. Et un jour, un mec m'a appelé, qui s'appelait Didier Butini. Il m'a dit, moi je monte une équipe pour une quotidienne tous les soirs sur Radio Baie des Anges. Je me suis dit, c'est la radio de Jacques Médecin. Ben oui, mais il a envie de s'ouvrir. Comme il aimait beaucoup le jazz, hein, il a beaucoup fait pour le jazz, Jacques Médecin. C'est lui qui a fait le festival de jazz de Nice, qui a... Il est allé dans les clubs quand il était jeune à Paris. Voilà, tous les clubs un peu... Voilà, c'était un fan de jazz, hein, malgré son parcours politique. Il est assez... Il n'y a pas de chouboulé là-dedans, dans le politique. Voilà, bon, en tout cas, il était fan de jazz, et donc il disait, ben maintenant, c'est le rock, et donc il a donné mission à un mec de... Il avait une grosse émission de jazz, et de faire à côté une grosse émission rock tous les soirs. On était de 8h à minuit, je crois. Et c'est une radio. C'est 8h à 10h. Et c'est quoi, c'est de la télévision Non, c'est de la radio. Ah, c'est de la radio, ok. C'est de la radio, donc tous les soirs on était. Avec des spectacles peut-être Non, c'était des interviews et beaucoup de musique. Okay, ouais. Beaucoup de rock, et très pointu. Tu les prenais où? Est-ce que c'est chez les maisons de disques. Okay. Les maisons de disques où on achetait nos trucs. C'était très très pointu pour l'époque. Okay. Bah, à l'époque, les radios libres, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, ce qui a beaucoup changé. Mais nous, on était très rock, hein. On était très rock, on passait... Oui, voilà, téléphone, c'est plutôt le haut du panier. Ben, j'ai interviewé téléphone pour cette émission 2, 3, 4 fois, 5 fois. Asphalt Jungle, c'était déjà fini depuis longtemps. C'était dans les années 80, donc tu vois, on a été les premiers à passer Rita Mitsuko, à passer... On passait Marquis de Sade, tous ces trucs. Il fallait que ce soit actuel. Non, on passait aussi des vieux trucs. On passait les Stooges, Velvet Underground, Asphalt Jungle. On passait beaucoup Asphalt Jungle d'ailleurs. Les Olive and Shine, on passait le punk rock français. On passait beaucoup de groupes français. On a eu Gainsbourg, on a eu Dao. Gainsbourg, est-ce que vous l'avez accueilli au moment? On l'a accueilli. Oui. Et lorsque, à un moment donné, il vient chez vous, puis il pleut à l'extérieur, puis il va lire un texte, est-ce que c'est ça? Parce que je suis tombé là-dessus, il y a quelques... Je sais plus, parce que moi, ce soir-là, j'étais pas là, j'étais en concert. Okay. Donc on était deux animateurs, c'est l'autre animateur qui l'a fait. Parce qu'il acceptait vraiment de faire toutes les radios. Ouais, et puis on luttait, hein. C'est une émission, on avait un peu de budget par rapport aux autres radios libres. C'était en 76, ça, hein? Ah non, c'était 80 et quelques. Ok, c'est sa période reggae. Voilà, même peut-être après. Hein. 84, c'est Love and the Beat. Voilà, bah, ça doit être entre le reggae et Love and the Beat. Okay. Quoi. Okay. Et on a fait plein d'autres. Hein. On a fait, je te dis, Dao, Téléphone. Arnold, est-ce que tu connais Arnold? Celui qui était en arrière de l'œuvre de Étienne Dao. Arnold Turboust? Oui. Oui, alors je sais plus si on l'a fait en interview, Arnold. Bah, je l'ai rencontré il y a 2 ans. Mais oui. J'ai vu il n'y a pas longtemps. Et qui est très très bon d'ailleurs, hein, qui a une belle carrière, hein, qui n'est pas connu comme Étienne Dao, mais album, ouais, qui fait toujours des choses. qui a beaucoup bossé avec pour les gens aussi, mais qui est un grand artiste. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'accroche? Toi, qui pourrais te consacrer uniquement au rock, au punk, qu'est-ce que la variété toi, t'amène? Moi, je suis pas trop variété, hein. Je suis plutôt rock que variété. Même si j'aime, en fait, j'aime la variété qui est plutôt qui sonne un peu anglo-saxon. C'est-à-dire comme Christophe, comme Gainsbourg, comme Nino Ferrer, en fait dans les vieux trucs. Hein. Okay, ouais. Moi j'appelle pas ça de la variété, j'appelle ça du rock. Patrick Juvet, je suis très fan de Patrick Juvet. Ah oui, mais il faut qui est... Non, il essaie toujours de... Bah là, a priori, il avait lancé... je crois que quelqu'un a fait écouter Patrick Juvet à Pharrell Williams. À Pharrell, je sais pas si c'est Pharrell, ouais, le chanteur américain. Qui a lancé, je vais faire un truc avec lui, donc il crie sur tous les toits, Pharrell va faire un truc avec moi. Mais bon, je pense que c'est... J'espère que ça se fera. Voilà, et c'est quand même un des rares Français qui a été numéro 1 aux États-Unis. Hein, donc, il ne faut pas l'oublier avec I Love America. Qui, voilà. Où sont les femmes? Où sont les femmes, avec Jean-Michel Jarre, qui est extraordinaire. C'est une période fabuleuse, toute cette période, où il a fait l'album Mort ou Vif avec Jean-Michel Jarre, qui est un grand album de rock français. Pour moi, mon préféré, c'est Chrysalide. C'est l'album d'avant. Avec des titres en anglais glam rock, avec des titres, on dirait R aujourd'hui, je ne sais pas si tu connais R, le groupe français, avec des pianos électriques, des Moog. En fait, il faisait pour le showbiz des singles pour les minettes, et lui laissait faire des albums dont tout le monde se moquait. Et le seul problème de ce gars, c'est un type d'avant-garde, donc il était... Oui, voilà, c'est un type d'avant-garde, bon, c'est un type aussi qui a trop été drogué, quoi. C'est quelqu'un qui a fait la nuit, qui a fait la drogue, qui a trop donné là-dedans, mais il a quand même fait 2-3 albums pour moi qui sont mythiques. Quoi. Qui sont mythiques et qui sont totalement méconnus. Et toi, de la BD, du début, on va commencer prochainement, de la BD que tu caressais depuis ton enfance jusqu'à la musique, qu'est-ce qui s'est passé? Tu faisais de la radio? En fait, j'ai fait de la musique tout de suite. Okay. C'est la première chose que j'ai fait, c'est la musique et écrire. De quel instrument? La guitare? Ouais, j'ai toujours fait plutôt mes chansons en fait. Okay. J'aime composer et chanter mes chansons. Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Oh, Fait d'album malheureusement, j'en ai enregistré mais ils sont pas sortis. Okay. Là je suis en train d'en préparer un, mais peut-être qu'il sortira jamais. Okay. Mais... oui, plus ou moins, plus ou moins. Mais ta maison de disque et... Ma maison de disque c'est un truc familial, c'est avec Manu. Donc là on fait le nouvel album de Manu pour la fin d'année. Mais j'avais vu Emmanuel, quelqu'un qui s'appelle une jeune fille. Voilà, Emmanuel Monet. Ah, ouais. Donc c'est Manu. Okay. Voilà. Donc, elle a fait un album solo aussi, je crois. Ben, elle avait un groupe dans les années 90 qui s'appelait Dolly, qui a bien marché, entre 95 et 2005. Et alors, le bassiste est mort malheureusement dans un accident, et donc ça a mis fin au groupe. Et elle a repris une carrière solo, on a monté un label ensemble en 2007-2008, un truc comme ça, et on continue. Donc c'est les trois albums que je t'ai passés, plus on a fait aussi un CD-DVD live. À l'Élysée Montmartre avant que ça brûle. Okay. Ah, oui. Mais qui est épuisé. Je peux pas te l'amener, il est épuisé. Je viens d'envoyer au distributeur la dernière commande. Je sais pas, parce qu'il a coûté assez cher à faire. C'était un truc avec un livret super beau, avec DVD, avec supplément, un concert. Bon, on va peut-être le rééditer, mais. On va attendre le succès de la. Bah, surtout, ça a été un gros boulot de faire ça, techniquement parlant. J'ai passé des mois dessus. C'est ça, ce serait dommage que ça s'arrête là. Bah pour l'instant, il est épuisé, j'en ai plus dans les caisses, okay. Mais... pourquoi pas le rééditer, pourquoi pas. Oui, mais t'es-tu rentré dans tes frais ? Celui-là, oui. Pour le premier, on a eu une embrouille dont j'ai pas le droit de parler juridiquement, donc on n'est pas rentré dans nos frais à cause de l'embrouille. Là, t'es en cours pour ça. Ouais, on avait le label, mais on était avec des gens. Moi, je peux pas trop en parler, mais on s'est un peu fait arnaque. Okay. Et l'album suivant, il est sorti en 2013, donc je pense qu'on va l'amortir en 4 ans, 5 ans. Et le japonais, pareil, il faut quelques années, parce que comme on est tout petit, on vend au fur et à mesure. Ah, oui, c'est en faisant des spectacles, les gens... Voilà, ou on le met aussi en distribution. Manu vend en physique un petit peu, tout le temps, dans les bacs. Encore, c'est une des dernières qui vend un tout petit peu. Hein. Après, il y en a qui vendent beaucoup encore. Mais elles vont toujours un petit peu dans les bacs, donc voilà, il faut réalimenter. Et on a les caisses à la maison, on renvoie au distributeur. Et un support MP3, c'est une chose qui vaut quand même assez bien. Voilà, un petit peu, ça commence, mais c'est vrai que aujourd'hui le marché a quand même baissé. C'est le streaming maintenant, qui rapporte quand même très très peu, hein, au niveau du pognon. C'est plus que c'était. Il faut être joué des milliards de fois pour... Mais les jeux de vidéo... ça c'est venu quand, à quel moment? Entre la BD, la Mais en fait, je suis monté de Nice, comme je faisais beaucoup de musique, avec des groupes niçois, et je montais tout le temps à Paris pour des enregistrements, pour des concerts, pour du studio, pour de la promo. Et au début, on montait une fois tous les 6 mois, après une fois tous les 3 mois, après une fois tous les mois. Ça commençait à coûter cher. Bah, et puis surtout, à force de monter à Paris tout le temps, je restais dormir sur les studios de répète ou chez des amis ou chez les journalistes, etc. Chez les Niçois aussi, au bout d'un moment, c'était un peu embêtant, donc il a fallu rester, prendre un petit truc et rester pour commencer à tourner, enregistrer, etc. Et t'es ici depuis quoi, 15 ans? Ouais, c'était dans les années 80. Donc je suis monté dans les années 80 pour la musique. J'avais un groupe qui a commencé à bien marcher, qui s'appelait Les Bandits, un groupe niçois. On est monté et le problème, c'est qu'on a fait monter un peu la sauce. On a commencé à vraiment bien marcher. Toutes les maisons disent nous voulaient. On a fait monter les enchères pendant 1 ou 2 ans. On a enregistré des démos payées par Universal Edition. Ouais, on a enregistré pendant 2 ans, on a commencé à moins tourner parce qu'on tournait beaucoup. Et c'était professionnel là, ouais. Oh oui, on était professionnel, on tournait pas mal. Ouais. Et au moment où on a eu le meilleur contrat possible, parce que tout le monde voulait, il y avait à l'époque c'était CBS, Polygram, Polydor, etc. On a choisi Polydor et on s'est séparés au moment de signer le contrat. Ce qui arrive souvent. Dans les... Voilà. Ce qui n'est pas ma faute, mais bon. C'est les avis professionnels. Il y a eu une embrouille entre la chanteuse et le batteur, ça a mal tourné. Sachant que vous auriez pu faire quelque chose d'intéressant. Un truc humain qui s'est passé. Ouais, ouais. Alors qu'on avait un contrat avec Polydor, mais avec beaucoup de sous. Oh, ouais, c'est embêtant. Universal Edition avait fait monter la sauce, et voilà. C'est dommage. Donc c'est dommage, donc je me retrouve. Voilà, fin des années 80, un peu dans la merde. Moi, je suis en train d'enregistrer, j'enregistre en parallèle mon album solo. Qui n'est jamais paru parce que je commence à démarcher les maisons disques. J'avais pas de manager, donc c'est un peu galère. Les grosses maisons disques me disent « Ouais, on adore la moitié, mais pas le reste. » Parce que j'aime bien mélanger... les trucs assez pop et les trucs expérimentaux. Donc, comme j'avais pas de manager, je me défends tout seul, c'est un peu galère. C'est beaucoup de travail. Hein. Voilà. À force de travailler. Voilà, et c'est un peu déprimant aussi, tu vois, quand tu es tout seul. Le mec, il dit bah, là, j'adore ces 3 titres, mais il me faut un album avec tous les titres dans ce genre. Alors, moi, je fais bah non, moi, c'est pas mon truc. Oui, oui, si, fais ça, parce que on va faire des tubes. Voilà. Donc, j'ai du mal à me défendre. Ça me fait chier, ils me font chier. Je trouve un mec indé qui me dit « Bon, moi, je te signe. » Je commence à faire des maxi avec lui, des premiers singles, avec maxi un peu club. Et boum, il tombe malade. Quand on dit « malade », on n'arrive jamais. Oui, voilà. Enfin, vraiment pas de chance. Il tombe malade. Une maladie assez grave. Il me dit, ben moi Patrick, je peux plus, je peux plus, ouais, là il faut que je me mette au vert. Donc je te laisse avec, et il était en licence chez Universal, je te laisse avec Universal. Le problème c'était le producteur de Jean-Luc Lahaye. Il était donc avec des gens qui faisaient que de la variété, chez Universal, avec des gens qui s'occupaient d'Anna Moscouri, Jean-Luc Lahaye. C'était un autre monde que le mien, parce que moi il m'avait dit, je comprends rien à ta musique, mais ta carte blanche. Donc je faisais ce que je voulais, donc c'était cool. Je me retrouve avec Universal qui me font que des misères. Ah non, non, non, qui me font. Ils me traitent de manière variété. Bon, moi je faisais plutôt. Rock, hip-hop à l'époque déjà, des mélanges hip-hop, house, techno, tout ça. Ah bah je suis connu. 87, 88, tu vois, c'était le début de ça. Donc les gens connaissaient pas quoi. La house, ils savaient même pas ce que c'était. Ils me disaient, c'est une mode. J'avais fait un morceau hip-hop, hip-hop metal. Je pense que c'est un des premiers morceaux en France hip-hop metal. Mais les mecs, ces gens, ils me disent le hip-hop, mais c'est une mode, dans 2 ans, c'est passé. Je leur fais, mais non, le hip-hop, c'est la musique de demain, mais non. Enfin bon, je me retrouve avec un mur en face. Donc je saborde mon dernier single qui doit sortir chez eux. Je choisis la pire pochette, une horreur, celle que je déteste le plus. Je saborde, je vais pas faire la promo. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et là, j'ai un copain... Ça ne fonctionnera pas. Jamais tous les... Ouais, je me dis, je vais trouver un autre système et je les emmerde. Voilà. Et là, j'ai un copain qui m'appelle, avec qui j'ai cherché à faire de la radio, justement. Je cherchais toujours à faire de la radio. On était allé voir les radios d'ici qui faisaient du rock et tout ça. C'était compliqué parce qu'en Tennessee, tu connais pas les gens, les circuits, tu vois. Les Parisiens, ils étaient en classe avec les mecs, donc ils avaient première place. Toi, tu galères comme un chien. Voilà, c'est un circuit et toi, t'es un peu perdu. Et mon pote m'appelle, il me dit, bah, je viens de rentrer dans un groupe de presse qui fait que du jeu vidéo. Et on jouait aux jeux vidéo tout le temps. Pour nous, c'était... Ouais, ça commençait Nintendo, ça commençait tout juste. C'était encore les PC et tout ça. Mais c'était le début de Nintendo en France, quoi. Vraiment de l'explosion. Et il dit, ouais, c'est génial, tu vas voir, ça change la musique. Les mecs sont ouverts, on peut faire ce qu'on veut, c'est cool. Et donc, on est arrivé dans le jeu vidéo. Il m'a appelé, on est allé. Et on est arrivé dans un monde, on adorait le jeu vidéo, on ne savait pas que c'était une culture. Et là, on découvre une culture... Au début, chez nous, c'est devenu une non, culture, non, mais nous, on est arrivé avec tout à construire. On aperçoit des nerds. Donc, voilà. Voilà. Et on est arrivé dans un monde où c'est le début des nerds. Et nous, on a amené notre culture musique, bande dessinée, métal hurlant. Donc, on a amené tous les dessinateurs de métal, on a amené Margerin, tout ça. C'était un plus, vraiment, c'était quelque chose... Voilà, et on a amené la musique, on a amené le métal. Moi, j'arrivais, les mecs, ils écoutaient tous du métal. J'en fais, mais faut en parler dans les journaux. Le rock... Du métal francophone. Oui, bon, moi, j'ai toujours essayé de parler au maximum des artistes francophones, mais après aussi parler de Metallica et tout ça qui commençait à marcher. Ouais, mais à l'époque, c'était underground, quoi. Ouais, personne ne connaissait. Ouais. Les trois premiers albums, c'était underground. Voilà, et donc, mais les gens, dans le jeu vidéo, ils écoutaient tout ça, quoi. Ouais, ouais. Nirvana, tous ces machins, bon. Le garage, on est arrivé avec une culture, voilà. On a mélangé tout ça, et on a amené aussi le manga, toute la culture japonaise. On a publié les premiers mangas en France avec Player One. Hein. On a fait un journal qui s'appelle Manga Player. Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Des trucs novateurs et sans où l'argent voilà. Pouvait, où tu pouvais faire de l'argent dans ce milieu-là, pas enfin. Oui, parce que ça marchait. Oh oui, c'est très payé. Tu vois, j'ai pu faire un disque avec des musiques de jeux vidéo et d'autres trucs, faire des chansons autour du jeu vidéo avec mes groupes de métal à l'époque, et que ça vende, on vendait 20-25 000 en kiosque, enfin tu vois. Ça, c'est des années, fin des années 90, 2000 ben, en fait, les voilà, c'est ça, c'est toutes les années 90, en fait, les jeunes n'avaient pas de... Personne n'en parlait dans les médias. Aujourd'hui, le jeu vidéo, on en parle. Tu vois, tu ouvres Libération, il y a des articles, mais à l'époque, il n'y avait rien. Quand les gens en parlaient, ils disaient c'est des trucs de pour les gamins ou de cérébrés, ou ils cassaient, quoi. Et donc, on est arrivé en mettant en avant ça comme la pop culture. Donc tous les gamins nous ont suivis et on a eu tous les gamins derrière, on marchait bien. Mes parents ont commencé à regarder ça, puis ils s'y ont intéressés. Oui. Ouais. Donc c'est de voir que c'était plus ou moins ludique, c'était de plus en plus sérieux. Et oui, oui, voilà, tout à fait. Donc on a été au cœur de ça et du manga aussi beaucoup. On allait à Angoulême. Le manga ici, il n'était pas connu. Ah non, non, ça a commencé avec Akira, vraiment, pour le premier truc qui a marché. Et personne n'en voulait. Hein. Nous, on allait à Angoulême, justement, pour faire publier du manga par les éditeurs franco-belges. Mais tout le monde nous rigolait à la gueule. Ah, mais le manga, c'est pour les abrutis, etc. Pour les mecs qui jouent aux jeux vidéo, ben oui, justement, je joue aux jeux vidéo. Mais comment tu fais pour garder le cap quand tout le monde t'a détruit Parce que nous, on avait le public derrière. Ok, puis vous étiez plusieurs aussi, donc c'est mieux. Voilà, on avait une équipe, on avait le public derrière. Vous étiez là pour y croire. Voilà, et puis on a eu surtout, on a lancé des magazines. Et tout de suite, au milieu des années 90, on a réussi à bosser en télévision. Donc on a fait une émission sur France 2, enfin à l'époque ça s'appelait Antenne 2. Okay, oui. Télévisateur 2, donc autour du jeu vidéo, de toute la culture pop, pop culture de l'époque. Autant la bande dessinée, les vidéos. Voilà, c'est ça. On parlait aussi bien de Moebius que d'Albator, que de Street Fighter. On passait Goldorak et tout ça. C'est voilà. Mon préféré. On passait Albator, on n'avait pas les droits de Goldorak. Ah, ah, j'ai mis la main sur toute la série de Goldorak. Ouais. Jusqu'à la fin, parce qu'il y a une double fin. En français ? Oui. Ouais, t'as de la chance parce que ça, y a eu toute une histoire autour. C'est disponible sur Internet. Au niveau des droits, c'était une galère sans nom. Et donc on a fait France 2, on est allé sur MCM où ils nous ont filé carrément une quotidienne sur les mangas qui s'appelait Mangazone. À l'époque, c'était un délire. Quoi. Tous les jours, une émission sur les mangas, t'imagines ? Alors là, vous étiez là pour l'alimenter, puisque vous étiez dans les revues, vous étiez dans... Voilà. Tous les jours, on parlait des mangas, des films d'animation. Et parallèlement à ça, t'avais un groupe de musique, tu travaillais ta musique. Et parallèlement... Aussi, t'as dû endormir ça un peu. Voilà, et comme j'en avais marre de la musique, d'essayer de... Voilà, d'essayer d'aller voir la maison disque et les machins, donc... J'ai dit avec mes potes, on se fait un groupe pour s'amuser, et juste pour rigoler. On est dans la ludicité, après Voilà, et donc c'est ce qu'on a fait, on s'est fait un groupe pour s'éclater, plutôt rock et glam rock. Ah, t'aimes bien glam rock, toi, hein? Ah, j'adore ça, ouais. Et avec Gordon Russell, le guitariste de Dr. Feelgood, qui était en France à l'époque, avec Nirox, le batteur avec qui je joue toujours, avec Manu. Et etc. On s'est fait un groupe de rock pour s'éclater. Quoi. Okay. Et on s'est fait des... Donc on a fait un petit disque pour s'éclater et on a fait des musiques, on a fait des reprises de jeux vidéo. Oui. Donc début des années 90, personne ne faisait ça. Hein. Qui sont maintenant mythiques parce qu'on a été parmi les premiers au monde, à part au Japon, à faire des musiques de jeux vidéo qu'on a sorties en CD, qu'on a mis à la télé, etc. Voilà. Donc. Les mecs aujourd'hui, je vois les gens de 30 ans qui avaient 15 ans à l'époque dans les années 90, qui viennent avec les vieux disques me faire signer à du Japan Expo et tout ça, j'hallucine. Mais bon, c'est cool. C'est bon d'enfant, les mecs ils se sont éclatés. Et le petit groupe qui était sans prétention à travers du passé. Voilà, Mad Murdock, ça s'appelait. Comme Matt Murdock, mais Mad avec deux D. Et on s'est éclaté, on a fait ça quelques années. Jusqu'à ce que je sois trop débordé par la télévision. Quoi. Après, la télévision m'a happé. Tu vois, entre MCM, j'ai fait la direction artistique. Ensuite, j'ai fait... C'est quoi, direction artistique, c'est tout ce qui est habillage, tout ce qui est bande-annonce, tout ce qui est la typo, quel typo mettre à l'écran. Les génériques, j'ai fait... Les artistes en vol... Voilà. Et puis, à l'époque, on a commencé parmi les premiers en France aussi à faire... À l'époque, il y avait, tu vois, une chaîne musicale. Tu vas avoir deux clips et tu vas avoir dans deux clips, il y aura ça, dans une heure, il y aura ça, pendant l'émission, à l'époque il n'y avait pas. En fait c'est pour garder les personnes... Voilà, on a été parmi les premiers à faire ça, c'est-à-dire... De faire la promotion de ce qu'elle veut. Voilà, mais à l'époque c'était, ça n'existait pas, il y avait un peu aux États-Unis. Et on a été les premiers à faire ça en France. Ok, quelqu'un a dit que ce serait bien d'annoncer aux gens pour qu'ils puissent garder l'intérêt. Voilà. Okay. C'est ça. C'est un consensus, et pas une personne en particulier. Nous, on connaît. Tu peux dire à c'est Didier, non, tu sais pas. Voilà, c'est. Ben, c'est-à-dire à faire vraiment du teasing. On a été parmi les premiers, quoi. Aujourd'hui, en 2015, quand tu vois ça, les télévisions. C'est normal. Mais nous. Oui, mais là, t'as pas de dividendes, t'as rien, là. Tu sais, t'as pas d'argent, t'as pas de copyright là-dessus. Là. C'est pas. L'idée, c'est pas ton idée comme M. Velcro. Ben, je pense que des gens faisaient ça aux États-Unis, mais à l'époque l'information elle circulait pas. Non, tu sais, nous on était dans le jus tout le temps. Ouais. Et en fait on se disait, mais pourquoi quand il passe tel truc et après il y a autre chose, les gens ils vont s'en aller. Il faut leur dire, dans 5 minutes il y a Mangazone. Et normalement tu mets les gros tubes, hein, les Rita Mitsuko, c'est comme ça. Voilà, oui, et même mettre, tu vois, quand il y a des tranches de clips, mettre, il va y avoir ça. Oh, ouais. Donc on a fait ça, et même TF1 nous ont appelé. J'ai fait ça avec Ness, qui était ma compagne à l'époque. Et TF1 nous a appelé pour dire... TF1 nous a même appelé, ouais, c'est votre système d'ID, on adore ça, et on veut ça pour renouveler notre tranche jeunesse et machin. Les mecs, ils commençaient à avoir les idées en avance. Est-ce que t'as vendu l'idée, ou si tu t'es rendu pour montrer ton savoir? Non, parce que nous, on a toujours été dans le jus, on n'a jamais rien déposé. Alors t'aurais pu être millionnaire. Peut-être, peut-être, j'en sais rien, et puis je m'en fous. Okay, après, c'est des questions à te poser. Okay. J'ai toujours avancé, quoi. Ouais, c'est ça, toi, t'es pas dans le moment, tu peux pas. Il aurait fallu travailler avec un mec business, quoi. Oh, oui. Mais j'ai jamais trouvé de gens business pour travailler avec, donc. Un homme habillé en blanc avec la sacoche. Voilà. Voilà. Mais c'est pas un mal que j'ai pas eu ça, parce que quand t'as ça, y a... tu te fais arnaquer une fois sur deux. Ah, donc, oui, au final. Avec la sacoche. Au final. Oui, tu peux peut-être un peu plus te faire connaître. Mais bon, quel intérêt d'être connu si de toute façon le mec il part avec la sacoche, t'enrichis quelqu'un en même temps. Oui. Aujourd'hui, ouais. Tu fais encore de la bande dessinée, tu fais encore de la vidéo, tu fais encore de la musique. As-tu, voilà. Est-ce que tu veux privilégier certaines choses parce que le temps passe? Moi, c'est la musique toujours. Okay. Ce qui est le plus important pour moi, c'est la musique. C'est la musique. Ouais. Le reste, c'est si voilà. J'ai le temps, je ferai. Et après, je suis toujours dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que comme c'est aussi une passion. Okay. Alors, ces jeux vidéo. Je fais toujours des petits films pour jeux vidéo. Et après, à terme, j'ai des projets de création de jeux vidéo. Mais ça, c'est quand j'aurai le temps. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Et tu as déjà les scénarios de tes jeux? J'ai deux projets où je suis un peu avancé. Tu sais que, mais il faut énormément de temps. Donc, à Québec, on est... Ah bah, c'est un grand pôle. Hein. Ah voilà, tu sais. C'est un grand pôle. Il faudra que je vienne un jour, j'ai plein de copains qui sont partis travailler là-bas. Et moi, je connais plein de jeunes. On sait. Ok, parce qu'on engage des jeunes. Voilà. À essayer les jeux, puis à trouver les ouais. erreurs. Ouais, ouais. Bon. Tout à fait. Et j'en connais 6 qui doivent avoir en moyenne entre 19 et 28 ans que l'on paye à peu près. Ouais. Un petit peu plus que le salaire minimum. Mm-hmm. À peu près plus, mais pas vraiment davantage. Parce que au lieu de les laisser jouer dans leur chambre, on va les amener là à trouver les. Voilà. Ce qui fonctionne pas. Ouais, tous les bugs. C'est ça, les bugs. Tous les bugs. Voilà, c'est ça. Et ouais. C'est à Québec que ça se passe. C'est compliqué hein, comme travail Ubisoft, parce que. Ça voilà, Ubisoft. Oui, oui, bien sûr. Okay. Bah, Ubisoft, c'est la plus grosse boîte française de jeux voilà. vidéo qui est installée au Québec, pas qu'au Québec, puisqu'ils sont aussi à Shanghai. Ouais. Ils sont dans les pays de l'Est, ils sont aux États-Unis, ils sont en Angleterre. Oui, ça m'est arrivé de travailler. Si c'est quelqu'un de concurrent, non, non, non. Okay. Non, parce que moi, pour l'instant, je ne fais pas de jeux vidéo à proprement parler. Ah, mais tu dis que tu as des projets vidéo, est-ce que c'est pour Ubisoft? Ben, peut-être, peut-être, mais je préfère les avancer quand même, et bien les écrire et tout ça, avant d'aller voir Ubisoft. J'ai plein de potes chez Ubisoft, donc peut-être j'irai voir Ubisoft, peut-être j'irai voir d'autres gens, peut-être des indés. Bon, j'ai pas fait de plan sur la comète. Déjà, je veux les finaliser, moi, dans ma tête, et, etc. Mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour, parce que j'ai mon album à faire avant. Oui, ton album solo ou avec Manu? Solo. Okay. Manu, l'album, il sort fin d'année. Ouais. Il sera fini fin août. Quand tu le réécoutes, l'album, est-ce que vous en êtes fier? De Manu? Oui. Elle est en train de le finir. Ok, mais tu peux quand même écouter des pièces? Tu peux Oui, là, on a, la semaine dernière, on a enregistré 3 titres, okay. Donc ils sont pas du tout finis, mais... Okay. Est-ce que c'est des tracks ou c'est tout le monde ensemble? Alors, elle a fait 70% de l'album toute seule. Je perds tout et le temps, mais ça pourrait être. C'était Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. 30% ou elle a fait avec des gens. Mais elle a fait 70% uniquement avec Nirox à la batterie. Et elle a fait toutes les guitares, les voix et les basses. C'était excellent. Ouais. Est-ce que c'est une continuation des autres albums ou si... Non, parce que les autres, justement, elle les a fait avec des gens. Les albums solo. Alors que là, elle a fait pratiquement toute seule. À part là, les derniers morceaux, elle a fait 3-4 morceaux. Avec le nouveau groupe avec qui on va tourner. Et donc ils sont beaucoup plus. Alors là, de toute façon, l'album est très très rock. On dit chez nous, ça garoche. Très rock. Ça garoche. Comment alors tu dis ça garoche. Ça garoche. Ah ben là, ça. Tu sais, quand tu penses ça, ça garoche, tu tires quelque chose. Ah ben là, ça garoche. Ça garoche. Je peux dire que ça envoie, quoi. On dit ça envoie ou ça dépote. Ça, il faut que je me rappelle, ça garoche. Ça garoche, oui, garoche. Ah ben là, ça garoche plus. Ça garoche dur. Ben il y a même. Bon, Manu. Son groupe Dolly, ça dépotait énormément, okay. Mais c'était plutôt genre Sonic Youth, Nirvana, Smashing Pumpkins, c'était ce genre de truc. Okay. Donc ça garochait, ça garochait bien. Oui. L'album solo, le premier garoche pas mal, mais il est assez pop quand même. Okay. La dernière étoile, il est beaucoup plus calme, il est plutôt très rock, mais très atmosphérique, un peu boisé, tu vois, un peu... Okay. Avec des guitares acoustiques très rock, mais plutôt boisées. Guitaristique. Voilà, très guitare, avec du dobro, des envolées aussi, avec des trucs un peu trip-hop, mais très guitare. Tu peux voir sur scène avec beaucoup de couleurs. Les oui, voilà, très coloré, mais un peu sombre et un peu... Ouais, très ambiance, quoi. Comment ça se passe, des petits trucs un peu psychés et tout ça. Celui-là, il garoche. Ouais. Je vais appeler Manu pour lui dire. Ça, mais... pas passer sur les ah ben, je vais dire, je t'ai vu à Manu, je vais l'appeler tout de suite, je vais lui dire, ah ben ça garoche. Elle, comme elle est allée jouer souvent à Montréal, Québec, elle doit connaître l'expression. Oui, oui. Moi, je la connais pas. Dans le dash. Mais là, ça frappe dans le dash, il faut que je t'explique. Ouais. Ok, dans une voiture à l'intérieur, il y a. Comment tu appelles ça en français? Il y a. Un pare-brise? Non, en avant, il y a quoi? Il y a des... Ouais, c'est ça le pare-brise? Ouais, il y a un pare-brise, ok. Pare-brise? Ah oui, bien, nous, on a... Certains ont glissé ça, ont anglicisé le mot en disant un dash. Le dash, ouais. Ok, ouais. Ça frappe dans le dash. Alors, quand tu frappe dans le dash. Ça garoche dans le dash. C'est ça, mais frappe dans le dash, là, ça, en fait, ça a surpris un bassiste anglais qui reste depuis des années, Brad Scott. Et tu connais Brad Scott? Brad Scott, le nom me dit peut-être quelque chose. Bassiste non. Pour Jacques Higelin, pour Brigitte Fontaine, pour... D'accord. Non. Non, j'ai dû entendre son travail. En tout cas, à chaque fois que je le vois, la première fois, c'est quelque chose qu'il m'a dit. Il dit, ça frappe dans le dash. Parce que lorsqu'il a fait la tournée avec Arthur Ashe, c'était le bassiste d'Arthur Ashe. D'accord. Avec le Pêche Beau-Surbert. D'accord. Très connu à l'époque. Donc, lui, quand il... Avec comment il s'appelle, le groupe? Bashik Bozoukben, Arthur H. Oui, je connais le nom, Bashik Bozoukben. Oui, je connais Arthur H. Bon, alors... C'est très bien, d'ailleurs, très bonne musique. Voilà, Brad Scott, c'est son meilleur ami qui était dans ce groupe pendant 15 ans. Et lorsque Arthur allait prendre un petit coup en arrière-scène, Brad Scott reprenait une chanson de Léo Ferry, cet extra. D'accord. Et quand il est venu au Québec, on lui a appris ça frappe dans le dash quand tu chantes, ça frappe dans le dash. Et là, quand tu vois Québécois, quand tu vois, hey, Rénal, ça frappe dans le dash. Mais pourquoi on disait pas ça garoche dans le dash? Parce que garocher dans le dash, c'est tirer quelque chose. Mais quand ça frappe dans le dash, c'est quand t'as la tête. D'accord. Et garocher, c'est prendre quelque chose et le tirer. Bon, faut que je me rappelle pour dire à Manu. Parce qu'elle elle m'en sort souvent des expressions québécoises. Parce qu'elle allait jouer, elle me parlait de quoi? Des foufounes électriques, un truc comme ça? Oui. Elle allait jouer là-bas. Et ça a changé pour les foufounes, à cause du fait qu'il y a eu des petits... Trop de bruit, non, peut-être? De bruit? Oui. Et puis, eux, c'est multidisciplinaire, c'est de la peinture, c'est de la musique. Tu peux exposer tes photos, exposer tes peintures, faire des photos, faire des œuvres en live durant que les musiciens jouent. D'accord. J'espère qu'on ira jouer à Montréal. Oui, ça va garocher dans le dash. Ah, okay, ça va garocher. Hein. Ouais. Là, c'est pour te dire, pour ceux, je pense qu'il doit y avoir, si tu passes là au Québec, il y a sûrement des gens donc, qui ont dû l'avoir fin des années 90, au début des années 2000 avec Dolly. Bon, oui, mais Dolly est connu. Ça tapait dans le dash. Oui. Ça a garoché. Ça garoche, en fait, ça garochait bien. Après coup, on se demandait qu'est-ce qui s'était passé avec ce groupe. Ouais, ben, le bassiste est décédé, malheureusement. Et donc, ça garochait bien. Ouais. Mais ceux qui ont vu, c'était plutôt, bon, un peu sur l'album, on retrouve ça le prochain. Donc, ce style, un peu Nirvana, etc. Mais là, il y a 2-3 morceaux carrément punk rock, quoi. Parce que, elle a jamais fait ça. Hein. Moi, je connaissais sa carrière par cœur parce que j'ai toujours été fan de ce qu'elle fait. Et là, il y a 2-3 titres, il y a très très punk rock. Est-ce qu'elle habite à Paris? Non, elle habite en Vendée, okay. À la Tronche-sur-Mer. Okay. C'est au bord de la mer. Là, c'est ça, non mais parce que je me disais, je pourrais la rencontrer. En fait, c'est une artiste nantaise, de Nantes. Oh, oui. Et maintenant, elle habite à la Tronche-sur-Mer, mais bon, elle reste une artiste nantaise à la base, de cœur. Oh, oui. Tu sais, à Nantes, il y a énormément d'artistes, je ne sais pas si tu connais un peu. Oh, oui. Elmer Foot Beats, C2C. C'est Philippe Catherine, Dominica, Squealer pour les anciens, Tequila, Hocus Pocus, les Fun Parias. Mais pourquoi il y a autant de vedettes qui viennent de là? Parce que moi chaque fois que je vais à Nantes pour jouer ou aller voir Manu jouer ou voir des copains jouer, le même soir il y a 4 concerts, il y a du monde partout dans les bars, c'est une ville culturelle en fait. Tu vois, alors que je suis à Nice, quand je vais jouer, alors que je suis niçois, il y a 4 pelés et 3 tendus dans la salle. À Nantes, c'est plein, les gens s'éclatent. C'est moins cher pour les appartes. C'est moins cher qu'à Paris, Ben oui. Et puis, c'est une ville de fêtes, de culture, c'est une ville très jeune. Festive. Il y a beaucoup d'expos, il y a beaucoup d'endroits pour sortir. En fait, c'est l'impression que ça donne quand on y va. En vacances. En passage. Ah, bah oui, c'est ça. Les gens, il se passe plein de trucs, il y a plein de journaux partout. Tu vois, c'est... C'est cosmopolite. Voilà, c'est une ville géniale à ce niveau-là. Alors tu vois, moi qui suis niçois, à Nice, c'est mort tout le temps. Les gens sont renfermés chez eux, même mes potes, et ils sortent pas. À Nantes, tout le monde sort beaucoup, quoi. Donc c'est bizarre, quoi. Alors, toi, t'as la musique du 18e. Montmartre, c'est Montmartre. Exactement. Mais ça étouffe le son en bien. Pour se concentrer sur le... C'est Tascam. Oui. C'est un peu comme sur les émissions, comme à France Inter et tout ça, où t'as... Ah oui, non, mais eux, c'est pas ça qu'ils ont. Ouais. En banlieue, ils ont Niagara. Oui, les Niagara, ouais. Niagara, ouais. Ouais. Et j'ai regardé les prix et... Ouais. Tu sais comment ça coûte? Cher. 5 000 $. Ouais. J'ai déjà tourné avec, hein, des fois. 500 €. Ça m'est arrivé de tourner avec, ouais. C'est de la, de la qualité, quoi. Je m'en serais procuré un, mais pas à mon âge. Au début, à 20 ans, oui, mais pas à 50. Ouais, ouais. À 50, bon. Mais déjà, là, ça, c'est professionnel. Tu peux rentrer des fiches... XLR, j'ai deux prises XLR. C'est un studio maison, donc tu peux jouer ta guitare, faire la trame son et faire des mélanges. Ouais, ouais. C'est vraiment, ça a l'air de rien, là, mais ça peut être. Et tu fais beaucoup d'interviews, j'imagine, au Québec aussi, non? Ben, en fait, au Québec, je présente ce que je fais ici à Paris. D'accord. Mais oui, j'ai rencontré des groupes parce qu'ils ne pouvaient pas me rencontrer ici. Donc, je ne sais pas si tu connais Sexy Sushi. Oui, bien sûr. Ben, très, très bon groupe de Bordeaux. Je crois, hein. Ils sont bordelais, il me semble. À Québec, puisqu'ils étaient. Ouais, très très bon groupe. Oui, l'année dernière, ils étaient en tournée à Québec pendant que je revenais. Ouais. Et l'année suivante, ils étaient en Russie. D'accord. Donc, je ne pouvais pas les rencontrer. Bah, ils ont la chance déjà de faire de l'électro, donc. C'est très ils tournent beaucoup plus facilement. Ouais, mais ils tournent facilement. Parce que nous, Manu fait du rock, c'est beaucoup plus compliqué de, tourner partout. Ils font beaucoup de trucs gratos. Oui, je sais, je sais. Mais au moins. Oui, c'est vrai. Puis ils sont. Ils sont balancés. Il n'y a pas la batterie, c'est électro, donc c'est plus facile à tourner. Quoi. C'est ça. Mais il paraît que tout le monde m'a dit. Enfin, je suis allé voir des lives sur internet. Hein. Tout le monde m'a dit que sur scène, c'est extraordinaire. C'est particulier. C'est... Ah non, en train de travailler. C'est vraiment comme du Iggy Pop. Mais en électro. À deux. Ouais, il y, bon, y a plusieurs groupes comme ça. Il y a The Antwoord d'Afrique du Sud. C'est vrai. Il y a Cap Bambino un peu aussi, qui est, ils sont d'où Cap Bambino, je pense qu'ils sont pas de Bordeaux aussi, je m'en rappelle plus. Mais il y a bah, un peu comme Casse Product avant, hein. Ouais. Un groupe extraordinaire, Casse Product. Tout à fait unique, qui se sont reformés. Hein. Ah oui, hein. Ouais, Avec les mêmes. Les mêmes, Mona Soyok et... Comment il s'appelle Ah, comment il s'appelle le compositeur clavier. C'est extraordinaire. Oui, je les ai entendus sur France Inter. C'est un des meilleurs français qu'il ait jamais eu. Les disques de minuit, avec Rosvald. Ouais, c'est un groupe de Nancy, en fait. Oui, donc, oui, il était oui, toute la bande, des disques du Soleil d'Acier, de tout ça. Il s'est présenté là-bas pour enregistrer un mini-spectacle. Il a ramené ça sur France Inter. L'album de minuit, c'est lui qui anime la nuit de vendredi à samedi. Ouais, possible, ouais. C'est super intéressant. C'est assez connu, hein, c'est très underground, mais...